se fait tard, je t'en prie, reste là, tout près de moi. Ne rentre pas ce soir, j'aimerais tant pouvoir te réveiller pour la première fois. J'ai envie de t'aimer pendant toute la nuit et même de te garder toute ma vie. Ne rentre pas ce soir. Je t'en prie, reste là toute la nuit.